Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Pwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, baganyeo. Oni Pwanza, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti Pwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, baganyeo. Oni Pwanza. Solo ya mboka topesi bino mbote peto tonde na esengo pambate bokozala kapenza ebele baye bokosepiraka na masolo ya mikolo oyo je connais le Congo. Je connais le Congo ezali masolo ya politiki na lokota ya Lingala awa nde sika tokundula kabongo histoire politique ya mboka na biso otobengi République démocratique du Congo. Na boye bipai biso bozili bako ya kulanda biso topesi bino penza mbote. Toko senga na bino penza bofanda pamba te oyo bozelaka oyo boko seplana yango je connais le Congo yango wana eye epai na bino. Nani mwebianga minabiso na kanisi ezali kaka moto oyo bozali kosenga bozali kobenga ete azonga lisusu pona kokoba kobeta longo na biso makambo matali histoire politique ya mboka na biso RDC totangi wana honorable Thomas Loaka Losenjola oto kopesa mbote honorable mbote ndeko Flori bana ya kisasa mbote na bandeko nyonso baza kolanda biso bana ya kisasa bana ya Congo basepeli penza na masolo ya je connais le Congo pe bazali kosenga ozonga lisusu pona kokoba kobetra bango masolo ya mboka ekosala wapenza nini. Non, ezako salanga esengo mingi ya komona kameme ke ba Kongole bazali interesse ya koyeba histoire ya mboka na biso toyeba esika to uti e ko permettre biso to comprendre esika to zali pe to zoko kende wapi. En tout cas, tant on a zako zo ba réaction ba tebele bazako benga ba kutinda ba message e salinga e plaisir komona ke bana mboka balingi ba sepeli na histoire ya mboka na bango. Ya solo na kanisi episode ya misato to lobela ki mingi benza makambo matale nkondo emeri Patrice Lumumba makambo asala ki kati na politiki kati na mboka na biso kino akenda ki bongo kokufa pe na kanisi honorable Thomas Loaka anasuka apesa ki lite ya uye tokwa ki kosimba pona bomo ya nkondo emeri Patrice Lumumba kasi lokola masolo na biso ezali kokola lelo tokomeka lisusu kubakisa mwa mate ya mosusu na oyo toyekola ki mikolo miti koleka lelo tukomeka kotala mobulu ebimaki na etuka ya Katanga secession katongaise elekaki ndenge nini ezwaki makoki wapi tope soutien peut-être secession wana esalema bandeko bazalaki na kati ya secession tango ndeko Cyril Adula saraki gouvernement bakotaki tope bakotaki te tala makambo maemanso elongo na mobianga ami oyo bino bolingi Thomas Loaka honorable nde tokomeka bongo kolobela makambo yango honorable poto le kisapenza tangote na kanisi tuyebisi na bandeko oyo tokolobela mokolo ya lelo likambo letali secession katangaise mutuna ali boso ebandaka na eno ndenge nini ebandaki kozwa soutien epai wapi pe soutien ebandaki kouta banani bazalaki na kati ya secession ya Katanga. Merci mingi ndeko tomoni na emission to wite kolanda ndenge nini conclave ya batoli solo to table ronde e salamaki na Lovanium awa na Kinshasa e sika nini bandeko ba Kongole ba bayokanaki ba poni ndeko Cyril Adula premier ministre et puis bandeko bazaki na Kisangani ba yepe kokota na gouvernement na to bandeko benga ba Lumumbiste papa Gizenga azalaki vice premier ministre na gouvernement Adula na ndenge nini ayaki tango bauti voyage na poto azungi Kisangani ba yeba kangie kuna na soutien ya ba certains lomombiste ba lobby gizenga a exagéré ndenge nini gizenga akendeki na prison na ili ya bula mbemba kuna na bakongo et puis lisusu tomonaki ba sécession kasayenne oyo état autonome du sud kasai et silaki bango pe ba ikokota na gouvernement ya adula kuna réconciliation ezalaki problématique té côté armé Kinshasa etindi deux bataillons ya ANC armée nationale congolaise na bakwanga donc na mbujimayi ba kamati ba intégré o bande ko benga ba gendarme kasayen ou la gendarmerie kasayenne ezalaki wana commandant na bango ezalaki elenge moko ya ya 22 ans Floribert Dinanga oyo ezalaki commandant sécession ya Kasai yepe ba intégré na kati armée nationale donc makambu kimi ekoti to tikali kaka siko na problème moko sécession ya Katanga parce que to monaki ke Chombe na batunaye na conclave ya Lovanium ba yakite po na nini parce que toye biango avant Lovanium réunion moko salama ki na Mbandaka ona kokilati ville Chombe ayaka kuna bakangaka ye hein bayene na Kinshasa na ndenge ba iko libéré ye azongi na Katanga donc etikala ki souvenir a mabe Lovanium ayakite mokili mobimba sikoyo e bandi ko reconnaître et reconnaître gouvernement Adula Chombe a komi mwa mal à l'aise mais déjà Chombe tant asali sécession na ye a proclamé ki ango le 11 juillet 1960 les 12 pour apporter la réaction ya ba belge les 12 juillet 1960 ministre affaires étrangères ya Belgique kombo na ye Pierre Wigny a sali déclaration officielle ya gouvernement belge pour na ko condamner sécession wana donc batou ba moni ba Belgique est contre mais en réalité comportement ya Belgique est là qui clarté pour nanini parce que na mois de juin après qu'on proclamait l'indépendance na ye Chombe a organisé foire internationale na Katanga. A sali foire internationale et puis batuba kamwe prince Albert ya Belgique le ki ya roi Baudouin o le loi comme roi ya Belgique roi Albert Albert II tangwana ba ko benge prince Albert a longwe poto ti aye na fikine na foire ya Katanga et pas ya Chombe déjà ba congolais ba interpréter ki mabe. Et loko ya mibale ko la kisake Belgique azala ki benda clair tena loko ango na mois juillet to na mois août 1960 kaka roi Baudouin alingalinga bala roi Baudouin alinga bala reine Fabiola ba ko sala mariage na poto parmi ba invité ya bel ya ba ya gouvernement belge Chombe azala ki na Bruxelles parmi ba invité ya mariage ay mariage ya roi donc ayé ba yambié pe bien ba pese kutu médaille moko ya ordre de la couronne donc pour na ba congolais wala nyonso ezalaki ke c'était des preuves malgré déclaration ya ministre des affaires étrangères que Belgique ezalaki ciment ya sécession ya Chombe deuxième pays ba ne ko soutenir pe Chombe ezalaki France France a ekotinda oyebi France azaki na bitumba na Algérie ba Algérie bazo bondela indépendance na bango mais sikoyo na mois ya mars 1962 même avant ça mois de mars 1962 le gouvernement belge a signé accord na FLN FLN ezaki mouvement de libération ya Algérie ba bengi yango les accords de Vian mars 1962 bitumba ya Algérie et Sili pour na Algérie zo indépendance nango sikoyo ba français ba kozwa certains ba militaires na bango ba benga on les anciens d'Algérie o bazala ki kuna ba ye na Katanga ko sunga Chombe entre autres yangwana Bob Denard wazala ki mercenaire français akokoma na Katanga na kati ya ba troupe ba français na baye donc ba français pe bazala ki Grande-Bretagne Angleterre mais bizarrement officiellement pays mon côté ça ko soutenir Chombe ba pays onyo sur la tag na ici au Belgique a boye a lobito boye lokwana France abane ko soutenir te officiellement donc aucun soutien officiel mais toza ko mona na terrain biloko mususu les anglais aussi n'étaient pas très bazala ki contrater ces sessions parce qu'il y a ba belge il y a ba anglais à l'époque zala ki balingi basala la grande fédération ya Rhodésie Rhodésie zala ki nini Rhodésie du sud yango koma le Zimbabwe ezala ki colonie na bango Rhodésie du nord yango koma Zambie sikoyo bango ide na bango zala ki soki Katanga longwe na Congo bako koti sango pe na kati ya fédération de Rhodésie e koma mboka moko donc ces sessions ya Chombe ezo déranger bango te wana bamboka ezali ko soutenir Tchombe mais ba pays africain pe misusu ebande ko soutenir entre autres Afrique du Sud bazaki sima Tchombe Fédération des Rhodésiens on a aussi ko Zimbabwe na avant indépendance na Zambie et puis na Congo Brazzaville. Congo Brazzaville to ko côté le maman Mouké. Ponani parce que bande ko bazako landa biso. Tomona ki avant indépendance. Non, tozong la non mo histoire Mouké ya Congo Brazzaville. Congo Brazzaville ce qui s'est passé c'est que na 1956 na Congo Brazza a bé moko boyé a créé parti politique ba bengi yango IDDIA to IDIA Union démocratique pour la défense des intérêts africains muto a créé yango kombo na ye Abbé Youlou Philbert Youlou na 56 58 Congo Brazza est comme république autonome toujours colonie à France mais ba pesi ngoma autonomie nango na 1959 Brazza ba poni président na bango toujours régime baza attaché na France mais ba poni déjà mokonzi mboka na bango Abbé Philbert Youlou a comme président et puis na 1960 je crois c'est le 15 août 1960 Congo Brazza est eu indépendance mais moni déjà na 59 Philbert Youlou azana Brazza za président Azola ndapé makambo zole kana Congo mais Philibert azalaki na sympathie na Abako Abako alias de Bakongo Philibert Youlou azalaki pe mu Congo azalaki très proche na Kasavubu azoyebi sakutu Kasavubu ke er moko moni biloko ba Congo wana il faut tiki loko wana boko longola province na bino ya ba Congo ngape tuzimo eteni na biso koto to sangani to sali royaume Congo na biso ya kala to ressusciter royaume Congo. Donc voilà un thé et bathèse. D'ailleurs, Koutou, na mobulu le 4 janvier tout monaki. 4 janvier 1959, ouais bah martyr. Tangu bakangi Kasavubu, bakangi Kasavubu, ba camarade ya Kasavubu ya bako msusu bakimaki, neti Pinzi na Gaston Diomi. Ba misuba komaki na Brazza bake komona Philbert Youlou Philbert Youlou azwaki avoka munene autaki na Paris pour yako sambela Kasavubu na batu msusu ya bako donc omona ba finité ona izalaki mais tangu Kasavubu ayo koma président de la République ba ide wana ya kulongwa na Congo et komi ko déranger ye yenza quand même président de la République ya Congo tala Congo za ba province orientale équateur boya kuzonga sikona kamwe loko muke Congo ya muke donc ba ide ona Philbert Youlou komo déranger na kanisi erimo akomo lo bano via zo le misangai donc makambu eko beba nana tangu Tchombe a sali sécession na ye Philbert Youlou akomi ko coopérer sikoyo na Tchombe. Voilà, c'est quoi Tiki na Tiki Kasavubu, voilà. Atiki Kasavubu, Philibert a comme une relation na Tchombe. Donc, Congo Brazza, ils ont soutenu le Tchombe. Sécession ya Katang. Mais si Koyo, qu'est-ce qui va se passer? Le 14 juillet 1960, Nations Unies et Kozoa résolution. Balobi, il faut tout tindre ba casque bleu. Objectif na bango nini ba koyana nkuna. Ba casque bleu, ba koma kia na Kinshasa, du 14 au 16 au 19 juillet ba casque bleu bazoya ba koma ki à peu près 14 bataillons koma ki awa ya banani ba ghanéen ba tunisien na ba suédois voilà ba casque bleu bayaki secrétaire général ya Nations Unies alobi il faut qu'éviter ba pays membre ya conseil de sécurité batinda ba soda parce que ekobimisa conflit moko ya monene donc totinda ba pays mususu ndeba zoki 3 pays wana batindi ba soda awa est-ce que tant ba yaki ba yokana ki malamu na ba soda ya Yamboka ou bakoutaki sur place? Non, incompréhension est commis. Incompréhension pour Nanini, parce que Pona Dag Armajold, secrétaire général ya ONU, Pona ye bakaske bleu baye na mission MISAT. Yaliboso ko permettre nenge résolution le baki, ko bengana ba soda nyonso ya bapaya, au bazana Congo, en particulier ba Belge, au ba tondi na Katanga. Alobi, il faut bango nyonso babima. Pour nanini, bazako éviter que ceux qui sont soldats belges, Belgique, les membres de l'OTAN, organisation de la guerre froide, hein, Amérique, URSS, donc, balobi ceux qui sont soldats belges, occidentaux, vandiawa, ba russes, ba koyi koya, bitumbe koyi kobima à guerre mondiale. Donc, il faut absolument éviter le quoi, ba belge, ba zonga. Donc, monsieur Aliboso, ko bengana ba belge, yami balé. Ko restaurer moi ordre constitutionnel zonga ordre zanakati mboka et puis amisa tout ko salisa armée na biso ANC hein ba renforcer et comment le renforcement des capacités donc ba aider à la réforme du secteur de sécurité pour nkoloba l'engager à lelo donc voilà ce qui s'est passé mais on a compréhension secrétaire général Lumumba naba Congolais misusu et baba les autres autorités bango bakanisi Nations Unies eye ponako salisa bango ba rétablir unité en mboka et en particulier pona babeta chombe. Donc voilà compréhension na bango ya makambo. Et puis pona ba katangé bazomona keneti ba casque bleu ou baye baende ko soutenir Lumumba. Donc voilà incompréhension partout. Et puis chombe sécession na ye pona okene mwa mbango mbango. À cette organisation, il y a sécession naie a créé armée naie, babenga kango gendarmerie katangaise, des basodans et banako benga ba gendarme katangais, wana eloko ya liboso, aye ko créé le sousou, gendarmerie katangaise wana eza encadré na ba soldats, ba officiers, belges, ba français, na ba sud-africains. Ba sud-africains, wa yeba na mune mingi, mercenaires sud-africains, comme on a eza laka Mike Oara, des baso encadré ko gendarmerie katangaise wana. Et puis, tout est kokende, chombe asalipe, gendarmerie katangaise, il y a 13 000 hommes, aye ko créé drapeau naye, asali drapeau naye, aye ko sala hymne national naye, bandako benga ola katangaise, aye ko sala constitution amboka naye, il y a régime semi-présidentiel, bato basala kadro ba yebe la kisinini, et puis, chambre des députés, yazaki na sénate, c'est qu'à sénat atie conseil des chefs coutumiers. Donc conseil moka ba chef coutumier Katanga bako sala neti bangonde ba sénateur et puis na mbongo na ye abimisi pe mbongo Frank Katanga et puis sécession ango ezala ki contester tangu chomba sali sécession sécession za contester na ba Katanga parce que lelo image tikala comme si Katanga nyonso ba Katanga nyonso ba sala sécession non donc ezala ba mususu na kata Katanga ba c'est pas la majorité on peut dire que majorité à population Katanga ezala ki contre mais ba o penda ba telemeli ango pona ko contester chombe ezalaki bande ko benga ngo cartel luba yango nini o permettre ngana fungula mo parenthèse hein, pona ko éviter biso ba confusion bato biso na Kinshasa to benga ka ba luba bato a est ba benga ngo ba luba te pona bato a est soke Kivu Manyema Katanga ba luba eza ba luba ya Katanga ndeyo babenga ka baluba kuna donc zoka cartel luba eza o babenga baluba katanga to baluba kat le baluba du katanga bango banani nde tribu ya ba Laurent Kabila nanyo yo kiungwa ku Mwanza banza mukalai voilà baluba kat wana ba baluba kat ba baza kuna mais oyo siko biso na Kinshasa to benga baluba na est kuna babenga ka on batoka kasai la kisini ni les ressortissants du kasai to ba kasaien donc tango na zolo ba wa cartel luba na zolo ba baluba kat baluba ya katanga baluba ya katanga wana bazu ba s'organiser ba sali pe mouvement na bango rébellion contre chombe chombe sali sécession ndambo ba katangi balobi biso to kubundisa to za d'accord na biloko na te d'ailleurs les 17 juillet 1960 na assemblée ya Katanga ezaka bazaka pena parlement na bango assemblée ya Katanga député moko atelemi kombo na ye Prosper Mwamba Ilunga asali déclaration oyo au nom du cartel nous protestons contre la proclamation solennelle de l'état indépendant du Katanga donc batu batelemi chombe balobi loko nozo sana mindelo na biso za d'accord donc sikoyo balubakate ba s'organiser président chef ya groupe wana waza ko contester chombe kombo naye Jason Sendwe nde oyo toyoka na Kinshasa ba pesa balabala Sendwe oyo kote ya stade de martyr tokozongela ba balubakat na rebellion na bango sima tango toko ko émission ko pousa na mamuke o repese biso mandira mamuke honorable Thomas Luaka sécession wana ya Katanga et où mela kitango boni durée na yango c'est la durée na 2 ans non sécession en Katanga est bandi le 11 juillet 1960 et koya ko sila to komona ngo sikoyo et koya ko sila le 15 janvier 1963 donc à peu près 3 ans de sécession salamaki et ko sila ndenge nini eza par rapport ya Nations Unies Nations Unies lobby non yango divergence bazaki na ngona chombe ba bi fo na borto négocier na chombe secrétaire général des Nations Unies a lobby il faut négociation zanini ba belge na ba mercenaire ba longwa katanga toti ba casque bleu na isika na bango le 12 août 1960 Dag Armajold donc secrétaire général Armajold secrétaire général des Nations Unies a kena katanga na ba ndambo ya ba contingent ya ba sedwa ba militaire sedwa ba accompagner a komi na aéroport wana na aéroport ba piégé akiti na avion tanga akiti ka na avion boye ba présenter drapeau ya Katanga yesu kwa akiti boye na aéroport bon amoni drapeau a s'incliner hein respect na drapeau après ko se rendre compte que ba présenter drapeau ya Katanga à se rendre compte à Zui, à Télémi, à continuer avec Tambour. Et Bakatangé, Moïse Tshombe Balobi, secrétaire général des Nations Unies, à reconnaître Tanabiso, parce qu'à Pessi le Sako, na drapeau ya Boko Nabiso. Et puis, Samwane comme na Kinshasa, awa yango yo raison, oyo kaka, Lumumba baswana ki na Dagar Majol, Dagar Majol abi, okoki ko negocier na état moko eza reconnu te, komoko ke negocier la ndibilo kwa ndengwana, ko s'incliner pe na drapeau na bango, et tout, incompréhension ou ta ki plaswana. Donc, babandi nanu, ko negocie wana, négociation aboutir wapi, Tshombe andimi, ba casque bleu, ba ya na Katanga, à condition que ba casque bleu wana, ba kota na makambo ya Katanga te. Alors, ba ya ka ba vanda, wa pousse kolingi ba ya ba vanda, mais ba kota makambo ya Katanga te. Dagar Major da sepeli, po na ye le plus important, ba soda na ye déjà, ba zala na Katanga. Et puis après, makambo, eko ya ko changé, après liwa ya Lumumba Lumumba kufi parce que idée ya Lumumba ezala kike la sécession katangaise et koyiko sila na négociation te il faut tobeta bango Dagar Major abino il faut te négocier tango sikoyo Lumumba kufi ba ekotia gouvernement il est en place mboka mombe reconnaître si Tshombe mais écoute tika makamwana sikoyo zonga Tshombe aboyi Nations Unies et kozwa décision sikoyo ya ko beta Tshombe na na makasi donc silisa sécession na makasi baye ko sala siko ndenge nini Nations Unies e ko désigner commandant sika mo kondia sika ya Nations Unies à l'époque ezaki MONUSCO te bandeko bengango ONUC tozaki wana na bambule yote ko leza tozaki na MONUC mais na 1960 tozaki na ONUC ONUC elakisi opération des Nations Unies au Congo ba eko tia responsable siko ya Nations Unies wana ya ONUC wana un Irlandais kombo na ye Conard Cruz O'Brien ayi wana zaki anticolonialiste puis zaki mutumuka zaki na autorité alui bon siko yo Tshombe biloko na ina ba mercenaire wana blague wana efwesila ayeko préparer opération liboso ba bengi yango opération rompunch za masanga ya punch rom okweko benga ngwata opération soupe na tolo po ba tba comprendre. Donc, à cette opération, on a déclenché le 28 août 1961. Ide na bango ba occuper le Lubumbashi et puis ba déloger ba mercenaires nyons. Opération ba casque bleu ba kituna ba beti masasi na Lubumbashi ba kangi 300 mercenaires. 300 mercenaires, on a 180 officiers belges. Na 120 mindele mususu ya ba nationalité mususu. Ba zu ba bengani bango. Mais opération les alaki moi échec pour nanini parce que premièrement na intérieur à Katanga neti na ba localité mususu et bango ba komakite opération sera makite sa mega na Katanga par exemple ba français ba zalaki na ba kolwezi ba contingent ba français wana ba zalaki touché te et puis deuxième ezaki échec pour nanini ba mercenaires ba bengani après quelques jours baye komona bango zongi zongi dans ba ona Katanga o ali kinzela o ali kinzela oyo ba zongi donc première opération wana ya Nations Unies ezala ki semi échec deuxième opération baye ko bengango opération écrasement mota opération écrasement eko salama le 13 septembre 1961 siko ba lobby il faut to attaquer ensemble ya Katanga o le to zalaka na parce que ba comprendre ki ba comprendre ki ba mishu batika ki na intérieur objectif na bango sikoyo alobi ole to kanga ba mercenaire nyonso to kanga ba dirigeant ya sécession parce que soki ba dirigeant bazali souté sécession ekufa ba dirigeant ko banani objectif il faut to kanga Tshombe Munongo Kibwe na Mutaka balance opération malheureusement pour na bango résultat bakanika Kibwe na bahine na radio balobi bosala déclaration Kibwe sala déclaration ya cesser le feu na kosinga na bakatanga nyonso batika bitumba et puis Tshombe akoyekoleka na radio a annuler message wana ya Kibwe alobi voilà bitumba et continue et puis bakatanga na ba mercenaires na bango bake ko attaquer siko ba position ya ba casque bleu ba pandi ba dévaster ba Kamabe quand ya casque bleu na Kamina na Likasi na Lubumbashi ba pandi nyonso ba sale pinga ba dega. Donc siko loko la deuxième opération to tchikomona écrasement et ça li paye échec secrétaire général des Nations Unies, Dagmar Majot, a dit non, il faut que nous ayons tous sur l'année. Na sali des opérations et marché tout sur l'année total à ce que moyen ko sala c'est le feu ba pesani rendez-vous na ndola ndola eza mboka moko boya zambi na frontière na Congo ba pesani rendez-vous le 17 septembre 1961 Dagmar Majot la FC Chombe tokuta na ndola to solola et puis Dagmar Majot le 17 wana a décollé wana Kinshasa na 17h a décollé à Zui avion et Kei. Ti et comme il minuit 10 l'aéroport Andola Chombe azawana na batuna et ba fin aéroport ba la secrétaire générale ya na minuit 10 ba moni avion yé DC 6 avion yé et Zui et l'équipe bango ba bi bon aké obeta tour pour yoki zela avion Zui yate. Oh Chombe bi bon peut-être secrétaire générale a changé idée tokene na biso basu bazongi na bango lobby sangwe ko koma avion ya secrétaire général des Nations Unies et kweyaki eziki et panzani batunyoso bakufi a part kaka garde corps ya secrétaire général moko ndezala ki vivant et puis e pa kwa kufa après donc batunyoso bakufi secrétaire général ya ONU a yokufa na makambo ya Congo sikoyo ti lelo oyo batunaka qu'est-ce qui s'est passé. Problème nini ba hypothèse za la kamisato hypothèse ali boso ba lobi non eza bakatangé mutu ba betaka parce que bakatangé bazalaka na ba avion na bosene kolobango avant tous indépendance force publique ezalaka na 6 avions c'était la meilleure armée de la sous-région wa na Afrique oyo les seules armées ko ko rivaliser na biso ezalaka armée ya Soudan na kanisina armée ya Égypte nde bazaka ba armée minene wana et puis ya RDC donc ezala na armée tuzaka na 6 avions de chasse banda ko benga mafuga magistère avant indépendance ba belge ba memaka ngona katanga indépendance salami Chombe sali sécession na ye donc ba avion komi ya Chombe bona ba avion na atikala ka après bitumara ma Nations Unies atikala ka na moko ba bi eza fuga magistère wana Chombe nde betaki le betaki avion secrétaire général. Commission d'enquête internationale a retenu qui hypothèse on a tepona nini parce que avion go eleka ki eleki na nzela Bujumbura et puis après eleka ki Tanzanie et okota na Zambie boye balobi c'est pas possible que fuga magistère wana motebeta ki. Deuxième hypothèse, est-ce que pilote a sala ki confusion te pilote pour na nini confusion est-ce que à confondre pour la procédure d'atterrissage. Est-ce qu'à confondre aéroport ya Ndola na Ndolote, Ndolo ya biso ya Kinshasa. Peut-être qu'on va confondre à sali manœuvre mabe à Keko Panza. Ba technicien peut retenir qui hypothèse on a balobi non. Ce n'est pas possible parce que na livre mo babenga Jepensen. Jepensen ça livre ça na ba instruction ya ba atterrissage ya mokili mobimba, ezaka livre mo wa pilote bazaka nango. Ba bi okoy confondre Ndolo na Ndolate parce que Ndolo ezana na lettre L na kati ya livre wana. Lettre L est l'axe Léopoldville. Ndolo comme un aéroport ya Ndolo. Ndola est la lettre N. Donc c'est pas la même page, tu ne peux pas confondre. Donc il y a confusion Ndola na Ndolote. Et puis troisième hypothèse au Batubarete na ki balobi ezalaki attentat parce que pour nanini ba eko trouver certains deux suédois. Bazana kati avion ba collaborateur à Dagmar Majot ba kuti bango na masasi na nzoto. Donc ba beta bango masasi na kati avion. Mutu baza ko soupçonner ye mutu moko boye ni ya nation ba habite sur les Nations Unies mais tant que secrétaire général a outi na New York à Kinshasa mutu moko na tenir à Nations Unies amataki na kati avion ana bato ba outi New York na secrétaire général bakanisi aza mutu ya Munich hein wa sala kana Kinshasa bato Kinshasa bakanisi ki aina délégation ya secrétaire général donc ba le c'est sur wabi mutu na mataki mutu abeta ki masasi wana ibimisi mobulu kuna donc secrétaire général a kufi balobito salandengini baye ko remplacer secrétaire général baye ko tia mutumo ko birman hein birmanie hein est-ce que na niveau à Nations Unies ba pesa ki Congo ba sanction te par rapport na mort ya non parce que bango ba zo sala banquette na bango ba établir ba responsabilité ti le lo c'est vrai na ko ebisao flou etikala liwa ya secrétaire général des Nations Unies et Dagmar Majot et monana clarté et opina ko sala moi remarque personnelle hein Dagmar Majot, le secrétaire général des Nations Unies, a koufa pour na Congo. Oyebi ke lelo ata mwa balabala mokote na Congo, eza na kombo na ye, eza mawa mingi. Donc, sikoyo ba yeko changer secrétaire général, ba yeko tia Birman moko boye, komo na ye U-Tan. U-Tan a komi wana, na président Kennedy tomona Kennedy ndenge ni aganya ki ba élection siko Kennedy akomi président alobi pe makambo na sécession il faut cela donc botika makambo na ba eko babandi ba négociation na 5 décembre 1961 bakena Kitono Kitono ko négocier kuna bazu ba accord Adoula na Tshombe ba signé ba accord mo ba benga ba les accords de Kitono le 20 décembre 1961 Tshombe tanga zongika auti Kitono azongika tanga kuna abwaki sepe ba accord ngalo bi nazana tina biloko na tenga na continue nanga na sécession nanga c'est que ndeko Tshombe na kata sécession ya Katanga na gouvernement ya Kinshasa yem dazala ki plus fort azala ki plus fort parce que pona nini azaki na mbongo tangu wana UMK donc Union Minière du Haut-Katanga oyo comme Jekami des sociétés munene ya Congo ezalaki tangu wana pe cuivre prix nango e mati donc Tshombe mbongo ebele donc azo kipe kutu bato ya Kinshasa te et puis avant bakora ya Kitono opération mususu salama kwa na ishuaka et puis tangu ayeko bwaki sa bakora ya Kitono baeko décider sikoyo 4e opération ya Nations Unies wana sikoyo ba américain baeko pesa matériel John Kennedy atinde bibundeli ba pesi ba casque bleu sur doigt ba lobi sikoyo Tshombe blagwane fossile donc 4e opération eko banda sikoyo le 24 décembre 1962 ti eko sila na janvier 63 le 14 janvier tellement mot de pela qui est le sud vraiment appelé ça qui monte mot de pela qui tellement que le 14 janvier 1963 ba ministre katangé ba zui ba tindeli ministre affaires étrangères à Belgique comme on a eu SPAC Monsieur Spak batinde les déclarations, déclarations que l'obinini, balobi, nous, nous sommes prêts à proclamer devant le monde que la sécession katangaise était terminée. Abi pour Nabiso, sécession en Sili. Le 15 janvier 1963, UMHK, Jekamine, Jekamine, dirigeant Jekamine, bah, il y a Kinshasa, a co-signé accord, na gouvernement, que dorénavant, bah, recette nyonso, tokobandozoa. Autres autres que matière, tout comme on a conversé en gros, na Kinshasa, makamba au pays, ça est sur Tshombe exacte. Donc Tshombe a eu qu'on comprenne que makamba est sili. Bah dernier mercenaire, le 15 ou en janvier, bah katisi na bah gendarme katangé, bah katisi frontière, bah ken Angola, les derniers mercenaires entre autres, ou à katisi qui comme on a eu Jean Scram, bah zui bah ken Tshombe pe a zui à longue katanga, à ken exil, à ken kovanda na Espagne. Donc Kinshasa décision sur Kapona sécession pendant Sili Malamu Iléo non non Cyril Adoula a économé Iléo comme ministre résident au Katanga a keko s'installer na Katanga kuna le 23 janvier 1963 Iléo avani na Lubumbashi pona compte ya gouvernement Kinshasa donc sécession ici la Katé sécession à Katanga et Sili Nakanisi bandeko batali ya Canal Congo Télévision Canal Kin Télévision Balandi ya émission Je connais le Congo Bolandi Penza na bokebi ndenge honorable Thomas Luaka abeti masolo yango ndenge le kaki ya sécession ya Katanga awako sécession esili Moïse Tshombe wazaraki na mutu ya sécession wana akene exil sonne ezraki nini suka yekaka boye balandela kiyete sima makambo na nyoso non akeko fana nene exil donc batwa batikie vani ne tranquille kuna Kinshasa le bibon sikoyo toto ngamboka mais sikoyo tango sécession esili Congo yo komona ngwere moko neti neti malédiction tango sécession katanga esili donc mboka ezongi na bomoko tension ba rivalité e bandi sikoyo na wana Kinshasa entre banani ba lumumbiste oba utaki kisangani ba komaki awa na batu ya oba benga ba tendance ba modéré ba pro occident occidentaux to le groupe de Mbinza tension bandi groupe de Mbinza wana ezala ki composé na banani banani ba groupe de Mbinza boye de mémoire na groupe de Mbinza batiaka Mobutu Bomboko Ndele Adula Nendaka Kamitatu akwa ko rejoindre bango après to kotala mais c'est à peu près l'essentiel oba zaki na groupe de Mbinza wana donc sikoyo tendance wana donc ba nationaliste na tendance wana ba lumumbi se ba ekosilika pona nini parce que ba eko remarquer gouvernement gizeng ya adule sa mingi na 61 mais malembe ba komi ko remarquer ke gizeng a komi ko longola bango na kati ya gouvernement remaniement moko sala mina février 1962 alongoli quelques lumumbiste remaniement mususu eko sala na juillet 62 alongoli ba lumumbiste mususu et puis remaniement asuka na avril 1963 alongoli ba lumumbiste msusu ah motif ezala kinene ya kolongola kaka ba lumumbiste non ba monique non basi basili kwa donc basi basili bati kabiso sikoto gérer ma mboka malamu parce que bazo considérer que ba lumumbiste ba lingi mindele te alors que ba mindele nde bazo sunga biso voilà ici comme ba incompréhension e bande ko bima. Et puis, si vous avez opposition comme ma casse dans le Parlement, le parlementaire, il y a le monde qui a la majorité. Donc, le parlementaire, il y a le bango ba lobby, il faut que le gouvernement a doula. Ba motion est bandit, motion de défiance et tout. Et puis, le gouvernement a doula est très très impopulaire pour nanin. Pour la raison, il y a la raison. La raison est le gouvernement, au moins, il y a tout le monde qui dit. Bakanga qui est na janvier 62 batinier na prison na 63 62 wana na ba tango vers la fin de l'année Gizenga aiko koma populaire na Kinshasa pour ne pas dire au Congo pona nini akomi martyr prisonnier politique parce que batu balingi sous soit doulaté balobi il faut libérer Gizenga donc pression komi makasi libérer Gizenga nani pe adula azako boya ko libérer azako boya ko libérer donc Gizenga vraiment côte na ina Kinshasa wa imati. Et puis nani kutu Kamitatu papa Kamitatu salaka témoignage moko pour yazala ki membre ya gouvernement Adula Kamitatu akota na gouvernement Adula al sali témoignage moko sima alobi na mois de mai 1962 to sali réunion to décider que gouvernement conseil des ministres ba ici premier ministre Makamboyo libérer Gizenga. Puisque vous êtes aussi libéré, libéré, vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Décision, vous êtes en conseil des ministres. Quelques jours après, Batala, Nani, Adula, Abouiko, libéré, a changé d'idée. Oh, Kamitatu, tu n'es pas en prison. Alors, je suis d'accord, il faut te libérer, mais mes camarades sont d'accord. Mes camarades sont dans le groupe de Mbinzawana. Tu vas comprendre que Adula Zawana aza marionnette batu azo piloteye eza groupe ya ba congolais groupe de Mbinza na ba mindele ba belge na ba américain nde bazo piloteye donc aza nationaliste te donc ba komili susu ko critiquer makase décision mususu ko ya ko bebisa makambo na ebisa ki yo ba député ba komi ko déranger gouvernement Adula na ba motion le 29 septembre 1963 président Kasavubu a décidé à dissoudre le Parlement. Abi bon, le Parlement a payé l'équipe en motion, en huis clos, na kangiango, a abomi le Parlement. Donc, tant que ce abomi le Parlement, wana, ba député Lumumbiste, na ba Lumumbiste, ba nationaliste, yon, so basala ki awal, bito salanini, il faut continuer bitumba contre Kasavubu na Adula, to kende wapi. Bamsoa bino tozonga kisangani bamsoa bino kisangani kuna sécurité zate baiko décidé nini bakati sa braza omoni dissolution salami le 29 septembre pona nini baiko zo décision okati sa braza parce que na braza événement moko munene uti koleka le 13 le 14 le 15 août 1963 gouvernement président Albert Philibert Yulu na gouvernement naïe, donc Philibert Yulu, président de la République, na gouvernement naïe, ba destitué bango. Gouvernement ne kwey, gouvernement sike komi, mouta komi président de la République, sikona Congo Brazzawa, kombo naïe, Alphonse Massamba Déba. Massamba Déba a zui pouvoir, Massamba Déba a za tendance progressiste, donc un peu proche na ba lumumbiste. Ba lobi loko la camarade na biso zui pouvoir na ngambu tokende, ba katisipe bango nyo sokuna, mouta na pe ayambi bango malamu. Massamba Déba yambi bango très bien accueillir bango ba s'installer wana et puis le 3 octobre 1963 ba eko créer plateforme moko cartel ba bengi yango Conseil national de libération CNL na Braza na Braza ba sali CNL Conseil national de libération ba mouvement et ba to PSA tango na izalaki PSA Gizenga parce que PSA Kamitatu pe ko yakoma partir papa Gizenga Gizenga na prison batunaye na Braza basangani na batwa MNC Lumumba na ba parti mususu ezalakiana ba eko sala CNL Conseil national de libération président nani batier Christophe Gbenye président CNL objectif na bango nini objectif mibale ya liboso il faut ko renverser gouvernement Adula il faut to kwesa gouvernement wana objectif ya mibale il faut to réaliser décolonisation totale et effective du Congo parce que bango ba moni Congo eza indépendante oyo toko vivre za néocolonialisme ba belge ba tikeli biso bato na bango ya misala bango ba pesa ka ba instruction na dans l'ombre bato na bango ba exécuter kango donc biso toluka indépendance ya solo oyo to banda kotosa na mindele te siko balenga ba koisa gouvernement asira adula na moyeni ne lezara na moyeni ni siko kasi na ba arme au koma non siko ngona tango basali na ne loko wana basali senel na bango wana mais tozonga sikoyo moi simamuke tango tomona ki gouvernement conclave à l'ovanium ancien ministre éducation nationale ya Lumumba autaka Kisangani aina conclave wana pona konti ya bataka Kisangani kombo na Pierre Mulele tango sikoyo conclave sili akel Kisangani yazaki d'accord te baya kokota gouvernement gizenga tango sikoyo a décidé ya kokota na gouvernement adula Mulele lobino au trahir révolution Mulele ake na Égypte akomi na Égypte wana bo ba égyptien sikoyo basi ba reconnaître pe gouvernement adula okomi mutu moko visiteur gênant quoi okomo déranger Amoni kazali so à l'est à Longwe wana. Chombe à Longwe na Égypte ake na Moscou. Akomi na Moscou wana chombe bien Pierre Mulele, est-ce que limbi sa mère sindeko. Pierre Mulele à Longwe Égypte ake Moscou. Na Moscou kuna na bisaka pe ba Russe ba reconnaître ki gouvernement adula. Donc ba yambie pie bienté à Longwe Moscou ayé na Beyrouth na Liban. Akomi na Beyrouth wana na Beyrouth ayeko kutana ba chinois mission chinoise mo ezaki na Beyrouth na Liban wana akutana bango a expliquer bango ke non voilà ngai na idée il faut na sa révolution pa na biso la bino ozana ba idée bien batindi na Chine na mois de mars 1962 Pierre Mulele ake Chine akomi na Chine kuna bandi formation azoye ko la nini akoye ko la guerre révolutionnaire ndenge ni ko sala guerilla et puis bazola accepté azozo ape maté ya politique ti le 27 Le 3 juillet 1963, Pierre Mulele a zongi na Kinshasa awa alati bilamba ya ba Sénégalais, ba West Africain, hein? Neti ba wara kwa to ba ndingari. Wana ndeka mufla, se déguisé ndenge wana, mais ao kontakte ba kamara naye. Ah, di bino ndenge ni, ah no biso kutu to sala ki motion. Wana nanu kasavubu, nanu a dissoudre parlement te tozana juillet 63. Chombe Mulele ayebisi bango le temps de motion de défiance est passé. Bozo perdre temps, bozo changer le monde, mais bato ba comprendre été. Et puis le 27 juillet 1963, Chombe a koti na Kwilu Mulele. Mulele Pierre a koti na Kwilu akekobanda révolution naye. Et puis le 17 août 1963, nde ayeko sala la première affrontement na ba soldat ANC donc rébellion et bandit na Kwilu au rébellion Mulele na Bandundu et bandaki exactement les premiers affrontements ezaki le 17 août 1963 ezaki succès makasi oui azwaki parce qu'a occupé que bandani parti a occupé que parti mingi mais abandaki rébellion azaika na revolver mibale na pistolet et munduki moko beya calibre 16 mais après ayeko formé batu et tout rébellion ya Mulele ezwaki penza batu ebele parce que a gagné ki ba terrain ebele Wana siko tutiki nanu Chombe et Mulele na 63 wana abandi bitumba naye te ko retrouver siko batuna biso tutika na Brazza wana baye ko tika na Brazza batie gwenye président ya CNL et puis après webika makamba wa kongole ndenge zalaka bako ya ko swana bako na bango kuna na CNL na Brazza baye ko swana vice président ya CNL kombo naye Égide Davinson Bochelet. Bochelet, le 5 février. Azaï Congolais bien. Azaï Congolais. Azaï Congolais. Aïe Kouzoua décision, naba kamara nae, balongola gwenye président. Babande ko reproché. Balobi non, aza dynamique te, azo la, et tout, donc révolution to kosa la boete. To longolae. Balongoli gwenye boye kolongwa, donc mouvement si kwe komi El Mibale, to komi na Senel Bochelet, Senel gwenye. Baye ko sala pe ba mise en place na bango mise en place sikoyo oye ko sala ma CNL gwenye a nommé banane yemoko gwenye président aye ko tia kama zala ki cadre a PSA a tia secrétaire général aux relations extérieures aye ko tia Sengi Assoumani secrétaire général chargé de l'intérieur aye ko tia Gaston Soumaïli après akoya ko yebana mingi na kombo ya Gaston Soumialo, a été secrétaire général chargé des forces armées révolutionnaires. et puis mutu ya mine oyo azai ko intéresser biso na mise en place ya Boigné na Brazza ba ekotia secrétaire général chargé des affaires sociales jeunesse et sport Laurent Kabila. Laurent Kabila ba nommé wana na Brazza. Laurent Kabila a outi wapi naibisa kyo tozonga la siko secession ya ya poto comprendre Kabila bien tozonga secession ya Chombe tangwane zali na Katanga na Katanga naibisa kyo tangu secession bandi ba Katange ba budaki yango ba Lubakat ba sala ki rébellion contre yé siko président ya ya ba Lubakat Sendwe Sendwe père sala ki mise en place na 1960 ay yaza président ya ba Lubakat et mouvement wana ay ko nommé jeune moko boy auti encore président de la Ligue des jeunes, garçon Mokoboye, il y a 19 ans. Kombo naye Laurent Kabila. Laurent Kabila comme président il y a jeunesse Balubakat. Donc président de la Ligue des jeunes. Il y a jeunesse Balubakat. Ba vandwa pina kalemi. Siko eloko moko ekoya koleka likambango nini? Papa moko ande ko fana na nkoro. Kombo naye Désiré Taratibo. Désiré Taratibo c'est là qui évolue hein. Tangwana banda ko binga ba évoluer abane ko sala na poste ya encore Désiré Taratibo ne tata ya Laurent Kabila siko Désiré Taratibo version za mibale version liboso en tout cas ce qui est sûr et certain jeunesse Balubakat ya encore bazui ba machette ba ke ko boma Désiré Taratibo tata na Laurent Kabila explication si ngwana za mibale. La meilleure explication, on a qui n'a trouvé en haut Nabatou Ebélé, je crois que c'est la meilleure hypothèse. Mm-hmm. En réalité, Désiré Taratibo, Azala qui n'a pas idée proche na Tchombe. Alors, bien, bien, on a besoin de Tchombe pour Nanin. Tchombe a l'ingé, tout ça, la République. Tout vanda, tout ça, n'a pas besoin de Bissot. Makambo, Congo, on a besoin de Kangamanango pour Nanin. Il faut que l'on ait Balubakat, Banda Kuninga, Oyo Kabilo Kwanate. Balubakat, Bazolo, Balumba, Mutazana, raison. Makambo, Kabula, Congo, Yo, Ezate. Il faut tous à la Bomoko. Tous à la Bomoko. Donc, ba jeunesse, Balubakat, Baye, ba Lobi, Yo, Oza, Nabaide, Amabe, Oza, Mutia, Chombe, Bazuba, Kati, Kati, Taratibo, Naba, Machette. Version Moussousou, Baye, Singa, non, Ezalaki, que. Comme Azalaki évolue, Azalaki n'a moins moyen, oui, bah jalousie n'est pas dans la boca, ne va profiter qu'il y a des ordres, bah y'a qu'au. Mais en tout cas, Taratibo est mort. Kabila, Laurent Kabila, un jeune, il a 19 ans, a eu qui s'envoie dans la calémie, et traumatisé qui est tellement, oui, que na vie n'a yé, n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a Laurent Kabila, a tikala le sous côté à ma colonne en corote. Atikala lesusu kuzonga na nkorote tellement souvenir ya liwa ya papa na ayuka akasango ata ninga komeki president de la republique awa atikala lesusu koma na nkorote pona kanga parenthèse ona seule chose na uti koyoka ke président Joseph Kabila nde auti ko réhabiliter nda ko Désiré Taratibo na nkoro kuna nda ko zaki abandonné Joseph Kabila auti ko réhabiliter donc sikoyo Joseph Laurent Kabila tangwana na sécession. Chombe a été lancé offensive na nord kuna babomi Sendwe chef na bango Jason Sendwe akufi Laurent Kabila azu a kimi ake na fizi fizi baraka siko pona bakatangé fizi baraka ezana Kivu na sud Kivu donc ozali suna katanga te ene tuana pays étranger donc bakolando soute aussi obimi na mboka na territoire na bango territoire na bango donc avant de kuna siko Kabila na 63 tanga yoki ke balumumbisi ba nationaliste bakomi na Brazza nde aiko rejoindre bango na Brazza wana tango babomi kasabu akangi parlement Laurent Kabila a rejoindre bango nde Boigné a nommé apesie fonction te komona secrétaire général chargé des relations affaires sociales na jeunesse na sport. Qu'est-ce qui va se passer maintenant wana mise en place na lobby ya Boigné Boschle pe ko sala mise en place na ye atie banani Boschle atie président d'honneur ya parti na ye Antoine Gizenga. Oye zana prison, hein? Yenda komi président d'honneur ya Senel Boschle. Vice-président d'honneur, Pauline Lumumba. Moi, c'est à défunt Lumumba. Président d'honneur, vice-président d'honneur. Secrétaire général, Yemoko Egide Davidson Boschle. Et puis, secrétaire général des forces révolutionnaires, Bayeko Zwa Pierre Moulele. Oye si a bandi rébellion na Kwilu, Boschle a nommé na organisation donc ba récupérer bitumba ya Moulele et comme ya Senel Boschle sikoyo ekomuniti mwa ba concurrence na Brazza wana. Est-ce que ye masamba deba o ya strike na tango wana chef de l'état na ngamba ya Congo Brazzaville a joué ki médiation te pona ko sangisa bon pa te ba utaki na mboka ya mboka na bango ba epai epai na ye na lisanga tango bokabwana wana kotaki amekaki ko sera te pa sangisa bango ba strike kana likanisi moko. Oui, masamba deba amekaki tentative ya ko réconcilier bango mais ezate po yambi ba te pa na yo sikoba na ko imposer bango, c'était quand même quelqu'un qui respectait ba liberté ya ba congolais. Donc bitumba ya mulele ezali récupérer na Brazza na Senel Boshle bato ya Boshle bakomi koyisa bato ya Bwenye bino kaka bo chaka monoko pamba biso bomoni révolution ngeto zo sala kuna na bandundu eko pesa Bwenye kanda Bwenye bibo Boshle alinga lakisanga nini na ko lakise ke ngana za révolutionnaire akala ajuste ko na Brazza wana ba petit na ya confiance mibale alobi bino mibale bokende pe na est kuna bofungula ba front bino pe fo fun la front aponi nani aikozwa Gaston Soumialo otomone Gaston Soumaili aikozwa Laurent Kabila atindi bango na est alobi bokende bosa la pe bobanda révolution kon toye komona bango sikoyo na mois ya janvier 1964 Laurent 1964 Laurent Kabila Gaston Soumialo bakomi na Bujumbura ba ofanda na hotel moko Pagidas. Pagidas wana a partir ya Bujumbura wana ba osala mo activité ko sala ba tract hein ko kotsa na Congo et puis malé mbe ba o préparer terrain et puis le 15 avril 1964 ba e ko attaquer na plaine ya Ruzizi ba attaquer plusieurs postes ezala ki wana donc rébellion ya 64 bandi na est kuna mutabandi yango Laurent Kabila na Gaston Soumialo ba attaquer plaine ya Ruzizi pour ba contrôler balabala Ouvira Bukavu. Et puis le même jour, groupe Moussousou était pour attaquer Bukavu. Mais il était attaqué, il était Maï Maï, il était dans le mouvement Maï Maï. Il était machette, il était Makonga et tout. Il était Bukavu. Malheureusement pour Nabango, attaque à Bukavu et échouaki parce que le commandant Zalaki, le major Yassa, Zalaki, commandant 7e bataillon, a eu à Bengani Bango. Mais malgré ça, du 16 au 17 mai 1964, Villa Ouvira Kwei, ba Simba wana ba combattant na bango ba obenga bango Simba donc Lyon na Swahili bazui ba récupérer Villa Ouvira le 27 mai bazui Fizi Albertville donc Kalemi et Kwei le 18 juin 64 Moba ezalaka kala Baudouinville et Kwei Moba Kabalo Manono Kabongo ba récupérer ba localité wana tout et puis na mois juillet 1964 ba ekozwa Kindu après Kindu ba eko récupérer Kabambare, Kasongo, donc va contrôler. Ce qu'on va le dire, bon, le cola, tozui, moi, espace mouné ne peut pas contrôler, il faut tout s'organiser. Bah, il faut s'organiser, c'est quoi, bah, il faut ça la mise en place. Nani, Gaston Soumialo a commis président du gouvernement provisoire. Il y a CNL, section Est, bah, on va bien en section Est. Donc, président du gouvernement provisoire, Gaston Soumialo, et puis, Yepé, ministre de la Défense. Aekotia, Laurent Kabila, Aekotia, il est vice-président chargé des affaires intérieures. Après, à quoi qu'on change, Aekotia, il est chargé des relations et commerce extérieur. Et puis, commandant en chef, il y a armée, il y a créé une armée, il y a un appel, armée populaire de libération. Aekotia, commandant, il y a un Nicolas Olenga, yinda komi commandant sikoyo ya armée wana. Po na fungula peut-être parenthèse mususu na Nicolas Olenga wana ye nani? Donc commandant ya armée populaire wana tant bako sala rébellion wana. Parce que batu mingi bazobenga biso alobi non, mais betela biso li solo ya Afdel. Betela biso li solo non, okoyi ko comprendre te makambo ele kisima soko zo comprendre sika to utite. Do bande ko boza na patience to bando ya malembe. Nicolas Olenga tanga zo sala za commandant en chef ya rébellion wana azalaki na ba neveu na emibale ba kadogo wa bande kotana pardon ba neveu yango za azalaki banani donc ba neveu na emibale wana bana ba sœur na ye rébellion tango ko ya ko sila to komona ndenge nini ko sila akoya ko kima ake na Uganda tango ake na Uganda na 97 neveu na emoko akoya ko zonga siko na kati ya Afdel kombo na ye kisa se ngando oya mi balé akoya kozonga me wana na zakapinda na précision té me batu baipsingai azalaki wana neveu na yo a mi balé yinde babengi lelo général François Olenga o azin inspecteur général à FRDC Donc voilà un peu comment va s'organiser na Kindouana tango basali rébellion wana. Voilà bande ko batali to zale ko ba katina masona biso je connais le Congo na kanisi boutu ko landa wana honorable Thomas Loaka ndenge akokoba na masona biso kasi na moyo lo kula tongi to koma na suka kasi honorable mise en place et salami na côté ya CNL na Est. Bongo mo kontina bango atikale kaka na Brazzaville to pa landa ki bango. Non, mon conseil n'a pas gagné. Wana zana Brazzaville, ti na le 5 août 1964, appel donc Armée populaire de libération Oyo, général Nicolas Olenga Zaleko, Nicolas Olenga ndaza commandant, soumira za président gouvernement provisoire. Armée na bango le 5 août est libéré Kisangani. Bazu ba occupé pe Kisangani, ba conquérir ba territoire rebelle, nde sikoyo ba eko bengisa président na bango ya CNL. Papa Christophe Gbenye na Braza a longwe ndaye ko région de Bangona Kisangani parce que sikoyo basi ba récupérer mboka. Wana sikoyo le 5 septembre 1964 Gbenye akoya ko sala déclaration a proclamé sikoyo république oyaye. To mona ki république ya Gizenge zalaki république libre du Congo. Gbenye na 64 yaye ko sala république populaire du Congo. Donc et bandi ba proclamé ango le 5 septembre 1964 na Kisangani ba dissoudre sikoyo gwenye tango komi a dissoudre gouvernement provisoire tomona ki asumialo na ba kabila yemo ko sala siko mise en place sikopo na gouvernement ya république mise en place ango ezalaki ndenge nini tozali na gwenye yemo ko président de la république libre du la république populaire du Congo tozalaki na Gaston Soumialo azui ministre ya défense. Tu es Kozoa, Laurent Kabila, Batieye, na affaires étrangères, et puis ministre plénipotentiaire auprès de la Tanzanie, Kenya et de l'Ouganda. Donc, pour comprendre, de moni, bah, relation déjà la bambo kwa nesike bandaki, na 64, yenda zalaki, chargé ministre plénipotentiaire, chargé na ba relation na Tanzanie, na Kenya, na Ouganda, et puis Assoumani Sengye, yé bakoya kotia yé ministre intérieur, Kama aza ministre à finance et puis Sabiti ministre ya travaux publics. Ba ministre baza mingite parce que idée a bonye zala kike ba province non to libéré te totika vide tant to ko libéré yango ba membre ba ressortissant province wana ba ko ya kota na gouvernement na biso. Donc voilà ce ko to komi na niveau oyoke mboka e komi na biteni misato e kaboni lisusu toza na Kinshasa Léopoldville gouvernement ya Cyril Adula oaza kukonza toza na Kwilu na Bandundu rébellion ya Pierre Mulele OP akomi ko sala pe ba structure na ekuna ko nomé ba comité na ba village et tout Mulele ya bande ko satake na ba ville té abande ko zoka mingi lui c'était une vraiment une guerre rurale ya ba paysans abande ko éviter ko zoba ba ville et puis parti ya Misato yango te komona donc Kinshasa Kwilu et puis parti à Misato battu à République populaire du Congo avec Gbenye na Mutu na ba collaborateur na auto et kotanga awa donc na kanisi to ko suka wana pona lelo mboka e kaboni lisusu na biteni Misato et puis na émission ko landa to ko ya komona siko ndenge nini gouvernement Kinshasa bakoza la débordé donc Kasavubu Adula, Mobutu commandant armé, bazokoka ko maîtriser ba rébellion en até, bazali totalement débordé, ndenge nini bakoya ko décider ba kende ko benga mutoto oti ko mona auti ko kima na katanga, c'est Chombe, azala ki sécessionniste, akimi ya ken Espagne, na émission ko tokolanda to mona ndenge nini sikoyo ke Chombe akoya ko zonga ko ute Espagne, ko ya na Kinshasa pe ba nommé premier ministre et puis tokoya ko mona après ba sécession ndenge ni ba rébellion e ko ya ko sila ndenge ni ba ko ya ko organiser ba élection et puis ndé to ko ya ko suka peut-être ce ngom me permettre to mona ndenge nini Joseph Mobutu akoya ko sala coup d'état na ye na mois ya novembre 1965 na kanisi ba ndeko batali ya Canal Kin Television pe Canal Congo Television masona biso ya mokona lelo e commune suka kasi mo lelo ba ya bokabona na bande ko batale honorable ko kozala nini na nyoso to lobile na nyoso to lobile lo leçon ni to ko retenir na kanisi to ko retenir leçon ya liboso mobulu mingi bimaka na mboka na biso e bimaka na ba frustration na makambu ya exclusion na ko pesa quelques exemples kalonji asali secession pona nini kalonja sala ki secession parce que baneko senga azana na gouvernement Lumumba baboya ko kotsa ina kacha gouvernement na kanda wana akiko sala secession okoya ko mona ba Pierre Mulele ayeko sala rebellion parce que Pierre Mulele considère que ba nationaliste bazala ki respecté te et kasavubu ayeko dissoudre parlement donc pour plusieurs raisons ou azako se sentir frustré vexé exclu nde bayeko sala des ordres donc nakanisi leso munene to ko retirer ko tirer que bisonyo se to considérer que Congo est à bisonyo so ezate ba o bazana pouvoir ba considérer baninga comme banguna comme ou bien comme papaya to comme baumbu et ça les sakate parce que ba frustration et memaka na isika mabe okomona pe bandeko oyo to kotala ngona ba monsieur koya na ebisa ki ba gendarme katangé Bakimi, Baké na Angola, na mois de janvier 1963, Bakong Kinshasa a bossé ni Bango, mais Bango a bossé na Kikongote, parce que groupe Wana et Koyako Zonga, na 1977, na 1978, ndeo yokaka, guerre de 80 jours, na Bitumba Shaba. Bitumba Shaba, ezaba ex-gendarme Katangé, au Bazalaka na Chombe, ne bako uta Angola na 77-78, Koya de Susu na Bitumba. Mais Wana, tokumona Wana épisode, o ezali Koya. Ya solo bandeko batali likambo na likambo ezalaka na tango na yango na yebi penza te posa na bino ezalete mwana mboka tomaluwaka akoba na masolo kaka mokola lelo kasi tukosilisa yango nyoso kaka lelote oyo ibongisa makipola mokolo ya lelo ekomi awa na suka honorable tomaluwaka totonde lisusu botondi pona kondima kotika ba occupation na yoko ya korepondre na mbela oyo bandeko batali basaleko senga Toko ba kopesa bango histoire ya Congo démocratique mais sur le cœur Toton Diobotondi. Merci mingi ndeko Flori et puis merci mingi na bandeko obazali kolanda biso na kanisi tokomona na semaine prochaine. Na kotondo pe Botondi ndeko Mike Kamwaka oyu ilongona ndeko Claude Kibuka bazali kosunga biso te bokoka kolanda maso na biso na motin de boti kolanda na zongere koloba na ndela ya canal Kin Television pe canal Congo Television bokozwa masolo oyo ya kitoko penza histoire ya Congo démocratique pona leo tokomi a tokomi na suka boti kila malamu nde tokutana mikolo misali cha cha tozumiye boti kwanza cha cha